تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. اللي ما يحترمناش ما نحترموش، هكذا. واللي ما يحبناش، واللي ما يقدرناش، واللي ما يتبعناش، واللي يتيري علينا، واللي يحقرنا، ونعلبوا اللي ما يحبناش. باب الواد كينغستون تحلى كي الزيتون، تبان من بعيد بلا قيطون. تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. ألو ألو، السلام عليكم. يا أهل سلام، حشيشة على باري، سمير معكم. إلي 20h05 أور دالجيري، ساعة 8:05 بتوقيت الجزائر. مرحبا بكم، فوزيكوتي راديو حشيشة. Je reviens ce soir, comme tous les samedis soirs, pour une émission en direct avec les auditeurs qui veulent participer à notre sujet. Marhaba bihom. Les gens, ils peuvent appeler via Skype s'ils veulent participer. C'est très simple, en fait, c'est Hachicha DZ sur Skype pour participer. Et notre sujet de ce soir, c'est en fait l'anniversaire de l'assassinat de Boudiev, l'Ayrahmou, le président Boudiev, qui a été assassiné le 29 juin 1992, et nous sommes le 29 juin 2013, donc 21 ans après. Nous voulions ce soir d'abord rendre hommage au président qui a été assassiné en direct à la télé, et puis surtout écouter les auditeurs, qu'est-ce qu'ils pensent de cet anniversaire de l'assassinat de Boudiev, de ce qui s'est passé par la suite. En fait, à mon avis, cet assassinat-là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On n'a pas encore la vérité claire, nette, et que tout le monde a accepté. Du coup, jusqu'à maintenant, il y a encore des débats sur sur cet assassinat et sur ce qui s'est passé dans les années 90, 91, 92 et les années 90 comme horreur, j'allais dire. Donc voilà, c'est le sujet de ce soir, mais avant, je vous laisse écouter un petit peu de musique. J'avais pensé à Matou Blounès qui a chanté en fait l'assassinat de Boudiev. Je vais essayer de vous le passer. Désolé, je suis là ce soir tout seul à faire la technique. في الكلمات تبقى النور ترجع الفلاحي بخاش شفاوث يدكون وديا وجون شياب سندان غير ثاني بنيت ندي قرحان اسمي كدنش دنسنان والتحاز بغير الشاق يدمر دسف سين مرار تزدر ذي فم ذا القاين رويت النحزوان لجناس ليسات الزهاب قلاب تفرق روح يا حريش ويجب لي قرنك ضعران ولا شوي في يدي زوار ماذا تميرا النقاب أزيال لا نور صليقا سوجد اليوم الحساب ايام ذني ايثني خلفا كيس بغنى السعادة السيرة تحلم مساء تموس نبقري خلف يتنجر ديس ويشتلا ثورة استعفو مسبوغ ياف يتنجر ديس ويشتلا ثورة استعفوا مسبوغ يا يذن جرد قيس والشتلة ثورة استعفوا مسبوغ يا دو أبان أبو دياب كم بيان دو كريم أوركسترا كريم خضر إيوتر نسرونو Cette terre ancestrale, aux mains de ces tristes cieux qui l'ont plongée dans le chaos, ou entre les griffes de ces lâches illuminés. Mmh. Donc voilà, voilà Khaouti, nous sommes toujours sur Radio Chicha, on était en train d'écouter le défunt Matou Blounès et qui faisait une chanson en fait, un hommage à Mohamed Boudieff, le président algérien qui a été assassiné en 1992, le 29 juin plus exactement, donc ça fait 21 ans. Donc je suis en direct là et je suis connecté sur Skype pour les gens qui veulent participer. Par Skype à propos de cet assassinat, de cet anniversaire. Marhaba bikoum. Je suis désolé, j'étais en train de valider toutes les demandes d'ajout là. J'ai pas pu tout faire, je suis désolé Khaouti. Il y a des gens, ils ont essayé aussi d'appeler tout à l'heure, l'émission n'avait pas encore commencé, donc c'était pas possible. Donc j'essaie de gérer tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Khaouti, si vous voulez participer par Skype, c'est très simple. HichaDZ si vous voulez appeler. Je vous disais que ce soir, en fait, on va essayer de parler sur l'assassinat de Boudieff. On va essayer de faire une heure ou deux heures d'émission. Je ne sais pas, parce que j'ai pas préparé l'émission, j'ai pas fait de lien depuis quelques jours et tout, j'étais pas présent. Du coup, je pense qu'il va pas y avoir beaucoup d'appels. C'est pas grave, on va essayer de passer aussi un peu de musique. Pardon. J'espère qu'il n'y a pas de problème technique, sinon n'hésitez pas à me le signaler par Facebook par exemple, ou même par message, si le son n'est pas bon, ou là, si se passe quelque chose. Des fois, moi il m'arrive de faire des erreurs quand je fais la technique tout seul, en fait je fais l'animation et la technique et le standard et tout, donc des fois je me mélange un peu les pinceaux. Voilà, donc Khaouti, je vous le dis, c'est libre. Antenne libre ce soir, comme tous les samedis soirs sur Radio Chicha, sur l'anniversaire de l'assassinat de Boudieff. Je vais essayer de faire un petit tour comme ça sur cette histoire d'assassinat de Boudieff en Algérie. Moi, j'ai envie juste de commencer par dire, Bli, à mon avis, on pourrait dire, Bli, l'assassinat de Boudieff, c'est un assassinat politique parmi d'autres assassinats politiques en Algérie. Et il y a eu beaucoup d'assassinats politiques en Algérie. Il y a ceux qui veulent pas voir ce genre de choses et qui veulent que l'histoire soit belle et qu'elle soit juste comme ça, idéalisée, etc. C'est-à-dire, nous n'avons pas de problèmes dans le tarikh ta'ana safi, ma fihach, yani, ashiya mithl hadou, ou hada khata, malheureusement khata, li'anno fih irtialat siyasiya, wa irtial Boudieff, c'est un assassinat politique. Boudieff, c'est quelqu'un, d'après, si je peux résumer comme ça, si je me trompe pas, de toute façon les auditeurs, vous pouvez me corriger, yani ou larani ghalat. Mais Boudieff, c'est un historique de la révolution algérienne, c'est-à-dire min أقدم الناس اللي جهزوا للثورة الجزائرية واللي قاموا بثورة الجزائرية ومن أقدم الناس اللي يعني صادير il était là quand il a fallu faire la révolution alors que l'Algérie et les Algériens et la classe politique algérienne des années 50 étaient dans une situation يعني lamentable, c'était très difficile et Boudieff parmi d'autres. Il fait partie des gens qui ont, dans la situation où c'était vraiment impossible d'imaginer quoi que ce soit, Houma, ils ont bougé et ils ont changé le cours de l'histoire. Meshi, à titre personnel, haka, chacun d'eux a donné, parce que finalement, on connaît l'histoire de la révolution algérienne. Un âme n'est li courbli, l'histoire de la révolution algérienne, c'est le peuple algérien qui l'a faite. Même si on regarde juste nos parents, ce qu'ils ont vécu, on sait que c'est tout le peuple qui a souffert pour la révolution algérienne. Mais il y a des hommes quand même, des grands hommes qu'on peut retenir, les noms qu'on peut retenir, et Boudieff, il fait partie de ces hommes. Un historique au sens lourd du terme. Et donc il était là pour le déclenchement de la révolution. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il a été en prison. Il était dans l'avion qui a été détourné par l'armée française pendant la révolution. Si je me rappelle bien, c'était donc en 56. l'avion a été détourné et donc il était en prison jusqu'au cessez-le-feu. En 1962, il était en prison avec donc ici en France avec les Aït Ahmed et les autres, et Bembla, etc. Et du coup, Boudiev, il a continué à diriger la révolution, notamment la section France, ou la Maranichalt, la section France du FLN. Et à l'indépendance, Boudiev, on peut quand même lui reconnaître, Bli, il a été quand même dans la légalité, ou la Maranichalt, si les auditeurs ils ont d'autres informations, ils peuvent me corriger. Mais à l'indépendance, on peut dire, pour l'histoire, Bli Boudiev, il était du côté de la légalité, du GPRA, et tout de suite, il avait dénoncé le dérapage de l'indépendance algérienne, la confiscation de l'indépendance algérienne par des gens qui l'ont fait d'une manière hors la loi, qui n'a pas respecté la légalité et qui avait inauguré déjà dès 1962 de la dictature qu'on a connue par la suite jusqu'à ce jour. Et Boudiev l'avait dénoncé dès le début. Il n'était pas d'accord avec la tournure qu'avaient pris les choses, le coup de force qu'avait fait l'armée des frontières, etc. D'ailleurs, ça lui a valu la prison. Ils l'ont emprisonné, mis en surveillance. Ensuite, ils l'ont condamné, je pense, à une peine lourde et Khadj Menjazer, pour sauver sa peau, il s'est exilé et il n'est plus jamais rentré en Algérie. Voilà l'histoire de cet homme, on va dire, héroïque de la révolution algérienne et donc de la construction de l'État algérien, etc., qui juste après l'indépendance a été emprisonné, s'est exilé. Il a été marginalisé. D'autres comme lui ont été exécutés, le cas de Krim Belkacem. D'autres exécutés aussi comme Abban Ramadan, c'était même pendant la Révolution. Et voilà. Et donc, les coups d'État se sont succédés en Algérie. Quelqu'un comme Boudiev, il était marginalisé. Ils ont effacé son nom de toute l'histoire des Algériens. Un Amethalen qui jit. Un Azet les années 70. 1970, hein, et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé dans les manuels scolaires et dans la télévision et dans les discours politiques, etc., il n'y avait pas Boudiev, il avait été effacé de l'histoire. Parce que le régime qui s'était installé en 1962 était un régime dictatorial, dans tous les sens, yani, méchant du terme. Et voilà, donc Boudiev a été exilé longtemps au Maroc, il était dans une ville marocaine, Ouakhila, c'est une ville qui n'est pas loin de la frontière algérienne. Il a fait une briqueterie, d'après ce qu'on lit, et donc il s'est occupé de ses affaires personnelles, même si au tout début, en 62, jusqu'à la fin des années 70, il avait un parti politique qui s'appelle le PRS, le Parti de la Révolution Socialiste, Ouakhila, ou la pour la Révolution Socialiste. Pardon. Et donc, il avait son parti politique, mais bon, on connaît un peu ce qui s'est passé, la chape de plomb, la dictature, l'interdiction à toute opposition d'exister. Certains ont été exécutés, d'autres exilés, comme Aït Ahmed, etc. Voilà l'histoire de l'Algérie, en fait. On peut la raconter à travers l'histoire de cet homme, en fait, à mon avis. Et arrivent les années 90 où le président, enfin le monsieur Mohamed Boudiev, il a été rappelé en 1992, janvier 92, début 92, il a été rappelé parce que en Algérie en 1991-92, il y a eu les élections, les premières élections libres, démocratiques en Algérie, c'est les élections de 1991-92, des élections qui ont été annulées par le régime des élections qui ont été annulées et qui ont tout de suite posé un gros problème en fait, notamment un problème du point de vue constitutionnel, un problème du point de vue légitimité, un problème du point de vue légalité, etc. Ils avaient créé, si je me rappelle bien, le HCE, le Haut Comité d'État, qui devait occuper la fonction de président, c'est-à-dire gérer les affaires de l'État, parce que Chedli a été démissionné suite à l'arrêt du processus électoral, ou Machi suite à l'arrêt du processus électoral. Chedli avait démissionné d'abord, et donc annulation du processus. Et voilà. Donc moi je me rappelle de ça comme ça. Je n'oublierai jamais quand ça s'est produit. Moi j'étais moi-même étudiant à Alger. On avait pris de plein fouet la situation. Je me souviens de l'état d'urgence, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on avait quand même. Donc ils ont été rappelés. Le président Boudiev qui était au Maroc, ils ont été lui dire, d'après les témoignages qui ont été faits par la suite. Ils ont été lui dire, voilà, c'est la crise politique en Algérie, c'est le chaos, c'est ceci, c'est cela, il faut absolument intervenir, il nous faut une personnalité qui peut faire le calme, c'est-à-dire éviter le chaos, éviter le chaos à l'Algérie. D'après les témoignages de Boudiev lui-même, il avait accepté en se disant, c'est mon devoir d'y aller pour sauver le pays qui est confronté à une grave crise politique. Donc il a accepté, d'après son témoignage à lui, l'Armo, il a accepté, il est venu. Moi je me rappelle très bien de l'espoir qu'il avait suscité, parce que les Algériens, ils ont été mis à rude épreuve en fait. Rude épreuve, je m'en rappelle très bien, c'est-à-dire, par exemple, on se souvient qu'il y avait une grosse opposition entre les gens qui étaient sur le terrain politique. Il y avait les islamistes d'un côté, il y avait ceux qui s'appellent ou qui se présentent comme démocrates de l'autre, et ça se bagarrait assez méchamment, pas violemment. Il y avait un gros échange comme ça. La situation كانت مشحنة كما يقولوا بالعربية, c'était électrifié, les gens, par exemple, je me rappelle des élections qui se sont produites, les élections que le FIS avait gagnées avec le FFS et le FLN, je me rappelle qu'il y avait un grand taux d'abstention. Ça veut dire que les Algériens, ils étaient complètement à l'écart de l'enjeu politique. C'est-à-dire, ils comprenaient pas, ou là, c'est pas qu'ils se sentaient pas concernés. Les Algériens, ils se sentaient vraiment concernés. Depuis 88, 89, 90, les Algériens se sentent concernés. Mais à l'élection, ils se sont pas présentés en masse. Il y avait un taux de participation tout juste. Et donc voilà, les Algériens, ils ont été comme ça, compressés. Et quand ils ont vu arriver le président Boudiev, je pense que ça, c'est vrai que ça avait représenté un espoir que tout ça se passe bien et qu'on évite le chaos, etc. Lui-même avait fait cette promesse. Il était venu pour ça. Et donc voilà, ça a duré 6 mois. Je me rappelle, il faisait ses discours, etc. Il y avait une situation qui avait complètement dérapé par ailleurs, il faut le raconter, puisque c'est sur cette même période-là que l'armée qui avait décidé d'arrêter le processus électoral, elle a fait un rentre-dedans dans les islamistes, qui par ailleurs ont été infiltrés. Certains d'entre eux, c'est mon avis personnel, certains d'entre eux étaient complètement lobotomisés, c'est-à-dire qu'ils ont le djihad, etc. D'autres ont été infiltrés, etc. J'en passe des meilleurs. Ce qu'on a vécu pendant les années 90, c'est pas la peine de revenir sur ça. C'est vrai que donc l'armée avait raflé un nombre incroyable de personnes, plus ou moins islamistes, proches ou pas proches, comme on dit, Et du coup, Boudiev était arrivé dans cette période-là. Il avait promis de ramener le calme, de calmer les gens qui veulent faire la guerre civile, etc. Et il avait promis de s'occuper des Algériens, il avait promis de s'occuper de... Il avait promis de s'occuper de la corruption, il avait promis de rendre le mot démocratie avec son sens réel, pas un sens vidé de son sens qui m'a l'arfo à Hnaïf Jazair. Et il avait donné de l'espoir, effectivement. Et voilà, donc on peut retenir aussi, j'ai quelques appels, je vais essayer de prendre des appels, allez, on y reviendra à l'histoire de Boudiev après. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Khoya. Ça va, alhamdoulilah, mais je pense qu'il se passe. On ne t'entend pas bien du tout, tu es loin. Je ne sais pas si c'est un problème du micro. Ouais, le niveau du son, il est faible à fond. Je vais vérifier si c'est chez moi, mais je pense que ça ne passe pas. J'ai fait les tests, en principe chez moi, il n'y a pas de problème. Pourtant, j'ai parlé l'autre jour en Algérie avec un ami, il entendait bien. Par Skype? Oui, j'ai discuté avec lui sur Skype, oui. Ok, on le garde comme ça, là, je t'entends loin, mais j'espère que les auditeurs, ils entendent bien. Je t'écoute, Roya. Ben non, c'était pour avoir tes nouvelles, comment ça va, c'est tout. Ça va très très bien, merci beaucoup à Texahal. Là, nous sommes en direct sur Radio Chicha. Et okay. Tu as, je sais pas si tu as écouté le sujet, l'assassinat de Boudiev. Non, franchement, j'ai pas écouté, non. Moi, je te suis sur Twitter. Ah, d'accord. Ah oui. D'accord. En fait, là, on passe direct sur radiohchicha.com. Tu peux te mettre sur le site radiohchicha.com. Et là, donc, on parle de l'assassinat de Boudiev. Là, nous sommes en direct, en fait. C'est vrai. Je ne sais pas ce que tu penses. Est-ce que, par exemple, tu crois que la version officielle, elle est bonne? Ça veut dire que avec les Qatlou, il a fait ça, acte isolé. Donc voilà, Boudiev, il a été tué juste par quelqu'un. Ce n'est pas une machination. Pour moi, c'est une machination, c'est prémédité. C'est pas possible que ce soit un acte isolé. Hein. Franchement, parce qu'il est venu en Algérie pour régler la situation. Quand il a voulu pour rendre contre... Voilà, tu vois comment ça s'est passé, hein. Et il a fini assassiné très vite hier là. C'est comme ça en Algérie, hein. Ouais, exact. Celui qui marche tout droit, ben il faut le massacrer parce qu'ils ont peur. Tellement il y a trop de corruption, c'est normal. Lui-même, il avait promis d'éradiquer la corruption, il avait promis de rendre les responsables, mettre les responsables devant leurs responsabilités, et tout ça, c'est ce qu'il avait promis, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ils lui ont fait payer très cher. Ils l'ont fait payer très cher à cause de ça, voilà. Exact. Ben, merci beaucoup pour l'appel, Khoya. Je te dis, Marhababik, sur Radio Chicha, si tu veux écouter les interventions, et si tu veux rappeler, ou là, si tu as une intervention à ce sujet, Marhababik. Ah, c'était juste pour avoir tes nouvelles, si tu vas bien, alhamdoulilah, c'est tout. Très bien, merci beaucoup, Atik Saha. Allez, prends soin de toi. À très bientôt, Inch'Allah. Allô. Oui, salam alaikum, Lino. Alaikum salam. Hada Nadir ma'akoum. Ah, marhaba bik Nadir, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik ala Radio Chicha, khoya. Un Marocain. Marhaba bik, donc Nadir, Marocain, exactement, que j'ai moi sur ma liste sur Facebook. Marocain, donc Boudiev, puisqu'on parle, si tu as écouté un petit peu, on parle de Boudiev, le président Boudiev qui a été assassiné en 92. C'est vrai qu'il était exilé pendant longtemps au Maroc. Exactement, c'est ça, mais je te remercie beaucoup pour m'avoir donné la parole en tant que Marocain. Puis voilà, je te remercie beaucoup. Et puis voilà, je voulais juste mon intervention, c'est comme ça en fait. C'est une question en fait pour vous, pour les amis qui, pour les opposants et tout ça. Voilà, en fait, Boudiev, il a été assassiné. C'est un homme politique, 28 ans d'exil. Et puis je comprends pas pourquoi il a été assassiné après qu'on l'a mis, qu'on l'a invité. Tu entends un retour, tu as un retour, c'est ça? Voilà, exactement. Tu as un écho, on fait ce qu'il faut. Il faut arrêter juste sur le site Radio Chicha, il faut arrêter le, soit couper le son, soit fermer la fenêtre. On va parler juste sur Skype. D'accord. Comme ça, tu n'as pas de, d'écho. D'accord. Ok. Alors, tu là, m'entends bien maintenant, très bien. Alhamdulillah. Voilà, moi, mon interférence, c'est... Ta question, oui. Tu m'entends? Oui, très bien, très bien. Tu disais que tu avais une question sur l'assassinat de Boudiev. Sur l'assassinat de Boudiev, moi, j'ai à peu près le même âge que toi. Mm-hmm. Et voilà, je me suis toujours posé la question pourquoi Boudiev, il a été assassiné. Mm-hmm. Et jusque... 2013, je trouve pas la réponse en fait. Ben ouais, je comprends tout à fait ton questionnement. Ok, de toute façon, c'est de ça qu'on va essayer de, on va essayer de parler ce soir. Le pourquoi il a été assassiné. Chacun, à mon avis, chacun, il a son avis sur cette question, puisque le problème qui se pose pour cette question, c'est que la justice n'a pas fait son travail d'une manière sérieuse sur cet assassinat. Et du coup, pour répondre à la question pourquoi, ben il faut qu'on ait la justice, elle va faire la lumière sur les faits. Jusqu'à maintenant, la justice n'a pas fait la lumière sur les faits. Il y a eu une commission d'enquête que personne ne croit en fait, qui a fait des déclarations officielles et puis c'est tout. Et même du coup, voilà. Même pas la France, rien d'officiel en fait. Il n'y a rien d'officiel, sauf la version officielle algérienne, c'est-à-dire la version du régime et, qui avait mis une commission en place et tout pour faire l'enquête. Arf, comment on fait dans ce genre de situation? Il y a une commission d'enquête et puis elle va bâcler l'enquête. D'ailleurs, les familles et tout, elles ont dénoncé ça. Oui, si c'est vrai, voilà. Mais la commission d'enquête, ça fait des années maintenant et ça répond à rien. Ça ne répond à rien. Rien. Ça fait 30 ans, presque 28 ans, rien. Rien. Et toi, qu'est-ce que tu penses en tant que Marocain, par exemple, à la Boudiev, qui a 28 ans dans le Maghreb? 28 ans, oui. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a appelé Siboudiev, qui a vécu 28 ans au Maroc pour l'assassiner, mais je ne sais pas. Il n'aurait pas dû revenir, à ton avis? Ouais, je sais pas. La question se pose. La question se pose, ouais. Tout à fait. Bahtik Sahab, merci beaucoup pour ton intervention. Boudiev, je pense que c'est un lien entre l'Algérie et le Maroc qu'il faut maintenir comme ça, à l'al-khair, c'est-à-dire prendre le côté al-khair, le bien pour nos deux peuples. C'est quelqu'un qui a voulu pour la paix entre les deux peuples. Maintenant, il faut voir. Est-ce que il y a des interventions étrangères qui ne voulaient pas que ça se passe comme ça, que les généraux algériens l'assassiner, je ne sais pas. Là, jusqu'à maintenant, à mon avis, mais on va écouter ce que disent chacun son avis. Voilà, exactement. Je voulais juste avoir, en fait. Ok, la question, elle est posée. De toute façon, on va essayer de voir si les gens ils ont un point de vue sur ça. Voilà, puisqu'on n'a pas de réponse officielle. Absolument. J'ai toujours lu, mais il n'y a pas de réponse officielle. Donc, on est toujours dans l'interrogation. Absolument. Et on va toujours rester dans l'interrogation tant qu'on n'a pas de réponse officielle. Absolument. Voilà, l'interrogation, elle reste posée. Atexaha Khoya Nadir. Voilà, c'est ça. Marhaba bik, quand tu veux, sur Radio Chicha. Barakallahu fik. Et merci à toi. À très bientôt, Inch'Allah. Merci. Allô, Amin. Samir, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba bik. Ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik sur Radio Chicha. Ah, parce que ça fait longtemps, t'as arrêté de savoir où j'allais abandonner, mais en bas, j'ai changé d'avis. On a besoin de gens comme toi. Tu es gentil, c'est gentil de le dire comme ça. Non, moi, je tiens à mon pays, mais grave de chez grave, Yahweh. Ah, bah oui, merci. De toute façon, merci pour le sujet d'aujourd'hui. Il est très pertinent, malgré que ça fait des années, mais chaque anniversaire de l'assassinat de monsieur. De ce que je n'ai pas décrit, c'était exactement l'espoir, comme tout le monde le décrit. C'était l'espoir de l'Algérie. À chaque fois, on essaye de parler de ça, mais voilà, il n'y a absolument rien jusqu'à maintenant. C'est un petit peu malheureux quand même. Et je tiens à souligner, il y a un travail qui se fait derrière. Il y a par exemple Oledo, j'ai lu par le biais de la presse, et Oledo qui fait un travail extraordinaire. Il a engagé des gens qui sont très très sérieux de l'étranger, qui essayent de mener l'enquête à leur façon. La vérité, on le sait tous, c'est la main de Nasser en Fulhokum. Et je pense que Rahmi Moto, Maham, Omar, Zaf. J'ai peur qu'un jour on ne saura rien. Tout ce qui s'est passé en Algérie, entre autres l'assassinat à Bouriev, et on ne le saura jamais maintenant. Tu penses qu'on ne le saura jamais? Je ne sais pas, de toute façon, j'aimerais bien avoir la lumière des choses, ce qui s'est passé réellement. Mais tant que Hadoum al-Nas, les renfus le hukm, ils ne veulent pas faire la vérité, ils ne veulent pas au fait faire une vraie réconciliation avec le peuple algérien, eh ben, on ne saura rien. Ils détiennent tous les secrets de l'Algérie, au fait. Donc c'est à eux de nous donner. Et la fois passée, justement, il a été interpellé, Yachishfit Ousmane Zahr, le jeune Hadak. D'ailleurs, comment est-ce que tu as suivi? Je ne sais pas si tu as suivi. Non. Ah ben, راحوا للعالية باش يديروا oui, exact. Le soutien, l'année dernière, c'était la même chose. On a interpellé Nizar pour lui dire justement, c'était un jeune homme, pour lui dire justement, il faut nous donner la où ça exactement, toute l'histoire de l'Algérie, et entre autres, Hadia. Et eux, voilà, ils font le Nazli Matsmash. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que l'Agda? Il faut qu'il fasse la lumière. Ce n'est pas sérieux. Non, je disais, effectivement, ce n'est pas sérieux. Personne ne croit aux versions bâclées, aux versions officielles. Du coup, voilà, il y a un problème de crédibilité des autorités algériennes, c'est clair. Non, mais ça, c'est sans doute. De toute façon, Anna, pour moi, Bodiev, je ne l'ai pas connu par le biais des annales. Maintenant, les Kurdes, c'est les années 80. Donc, je n'ai pas eu la chance. D'ailleurs, même les années 70, je ne sais pas. Tout à fait. Mais avec ça, juste qu'il y a, on sentait que, je ne sais pas, il y avait le feeling avec le peuple algérien. Tu vois, il a su comment vraiment, vraiment donner de l'espoir aux Algériens. J'étais vraiment gamin, même Armet. J'avais à peine 6-7 ans, balèque. Mais avec ça, c'est dans ma tête, sur le, je ne sais pas qui fais-je. C'est ancré dans notre, vraiment, au plus profond de nous, cette sorte d'espoir. Une Algérie nouvelle. Et j'ai vu ce matin, d'ailleurs, j'ai passé toute la journée avec Mabodef Larahmo. C'était deux journalistes français, l'interview, donc ils ont parlé une heure et demie, justement ça, ils parlaient que vérité, tu vois. Donc c'est ça, on a cette vérité, tant que les gens ont fait le choc, ils ont dit que malheureusement, je pense qu'on aura, il n'y a pas d'autre moyen en fait, parce que les gens ont fait le choc, c'est pas écrit, c'est pas comme l'histoire, tu vois. J'espère qu'il y aura un jour quelqu'un, les damers dialogues, qui ont dit que voilà, nous allons mourir, ou d'ailleurs, je ne parle pas de chaque chose, يقول بلي انا هذا الشاب عنده الحق باش يعرف واش صار في التاريخ ديالو نحكي معاهم ها واش كاين لا جوستيس ان في سون طرافاي خو مي ميم لا جوستيس مالوريزمون ني بو انديبوندون سي سي غروس خلطه خو والله صافي مال والله صافي فريمون فريمون مالو كور والله العظيم غير صافي سي كالكان كي كي تي لا كي نوزا دوني ليسبوار كي نوزا في ريفي شويه بوندون 6 mois de son existence et voilà. C'est une nasli qu'on nous garde de toute façon, ils n'ont pas la chance de vivre. Ouais, moi je me rappelle aussi de l'assassinat. C'était un choc de grande, un grand choc, c'est-à-dire. En plus, quand il l'avait tué, c'était en direct à la télé. Du coup, chaque discours garnestrochouf parce que ça, comme tu dis, ça suscitait l'espoir et tout. Les gens, ils avaient vraiment peur pour l'avenir. Ouais, il représentait celui qui allait éviter la catastrophe. Donc Nestrochouf, et un beau jour, c'était le 29 juin justement, les gens ils se sont tous mis devant la télé, en direct à la télé, attentat, ça tire dans tous les sens, et voilà, le président vient d'être assassiné en direct. Et c'était un grand choc, c'est vrai, un grand choc, ouais. Un traumatisme. Exactement. Au fait, en plus, il a redonné une certaine crédibilité, je ne sais pas, une certaine crédibilité à l'État, on va dire, l'État algérien. Mmh. Et l'État algérien, il faut savoir que, maintenant, de toute façon, c'est mon avis personnel, hein, il n'a jamais été crédible aux yeux des Algériens, depuis 62, de toute façon, depuis qu'on a eu l'indépendance. Mmh. Il n'a jamais été crédible. Quand il y a eu bon, les années 70, 80, quand il y a eu le Parti unique, ou il y a eu le n'était pas open au monde et tout. Tu vois, il nous a donné l'espoir. Il a donné une certaine crédibilité, l'image de l'Algérien, de l'Algérie officielle aux yeux des Algériens. Eh oui, malheureusement, j'espère, de toute façon, de nos jours, il y en a. Mais est-ce qu'il peut dire le Hukm, je veux dire, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura de toute façon. Je demande, parce que je suis un jeune Algérien, mais vraiment, on est plein de potentiel. Et on connaît tous, soit Fakdef Zanka, soit Nesli, vraiment, très حاسب روحك مع الجزائر حاسب روحك مع لي زالجيريان اون ا دووا دو سافوار اون لا اني اذا مسمعوا فيا بوتيتر نقدر نلحق اني بسيلون ميساج ليهم فات فو راشتي بار دير او موا كيك شوز يا خويا من بعد موتو والله غير انا جو سوي لو جور دو بيرسون ميم اللي قتلوا في البوفوار ميم اللي يقول لك بلي انا قتلت يا خويا ما نحاسبهمش مي او موا كي نوجيز كي افي كوا شكون دار هذا الشيء شكون اللي قتل ما تقولوناش بو معرفي Boumarafi, balak, sah, il compte. Mais derrière lui, je connais. C'est pas Boumarafi, c'est pas Agdakbark. Arriver à assassiner un président en direct qui m'a dit, la télé, c'est pas un acte isolé, je pense. Mais de toute façon, personne n'a gobé de la version. Personne, mais vraiment, on était gamin, arafna, blé, doula, yakla. Ils nous disent, yakoya, je connais Hadal Yakhtel, faites-vous racheter par votre peuple, koulou, j'kayen, koulou, on a la vérité, on ben moutou bisalam. Hanayem djetna, ana, personnellement, on l'a rien smah l'homme. والله غير نسمح لهم ما يقول لي يجينا انا جو سي با كلكان اوفيسيي ولا لارمي يقول بلي انايا اللي جي دوني لورد باش نقتل بوضياف والله غير نسمح له مي كي نوجيز برك هذا ما كان يقولنا بلي انا درت هذا الشيء وخلاص هذا جيسبر ان شاء الله يا ربي ما نموتش قبل ما نعرف هذا لا فيريتي هذا ما كان ان شاء الله إن شاء الله. De toute façon, ton message, il est passé sur Radio Hachicha et il va rester pour le témoignage pour l'avenir. En fait, tu poses tout simplement un truc que je pense que nous sommes très nombreux à partager, c'est-à-dire on a tous besoin de vérité, en fait, sur l'assassinat de Boudieff ou sur l'assassinat des autres aussi, en fait, puisque l'assassinat de Boudieff, c'était juste le déclencheur. La suite, elle était horrible pour beaucoup de gens. Donc, justice et vérité, c'est une demande que, à mon avis, nous sommes très nombreux à partager avec toi. Pour ne pas monopoliser la... كما العاده فرنسينو انا نحكم ما نقعد نهضر هكذا حتى اليوم القيامه نقدروا نقعدوا نحكي باسكو قلبنا معمر ما كاش ما من نحكيو دونك الناس راهم ما نحكي لكش كل واحد راهو يحكي على شنو نوتواز مي قاليتو اي اون لاس لي سوجي بيرتينون فوالا خويا سمير ميرسي بوكو دو مافوار دوني هاد لوكازيون باش نحكي معكم ميرسي بوكو بور لو طراي اسكو تو في ا تري بيانتو ان شاء الله ميرسي بوكو ا توا ا تري بيانتو سلام صحيح صحيح امين الو وي الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم مسي الخير سمير مرحبا بك là c'est bon ça passe mais il faut couper le son تاع la radio تاعك on va parler juste sur Skype comme ça va parfait excellent ouais مرحبا بك مسي الخير سمير ça va الحمد لله الحمد لله donc moi c'est Mohamed Et je vous appelle donc de Cincinnati, au Texas, aux États-Unis. Donc, très bien. Quand même assez loin et là, il fait encore jour. Ah ouais, très bien, très bien. Ben, marhaban bikoum. Aina ma kontoum, mais c'est encore mieux quand c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, c'est avec l'Internet là, on a. C'est comme une petite. Comme un petit monde, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Le monde est devenu tout petit, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'océan. Exactement. Donc, en fait, tout plaisir est pour moi de parler avec vous. Mm-hmm. Ça fait vraiment plaisir. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, c'est par rapport à l'assassinat du président Boudiaf, Lahia Rahmo. Exact. Donc, c'était le 29 juin 92, je me souviens, comme si c'était vraiment hier. Exact. Hein? Ça s'est tombé comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, les gens qui l'ont tué, hein, ils n'ont pas assassiné Boudiaf, ils ont assassiné l'Algérie, je le dis. Il y en a qui peuvent dire que non, il y a des hommes et tout. Oui, il va y avoir des hommes, mais ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour après-demain. On l'a vu, ça fait plus de 20 ans de ça. Il n'y a jamais eu de changement. C'est toujours dans le négatif. Donc, les gens qui l'ont tué, c'est les gens qui l'ont ramené. Il était peinard, il n'avait rien à voir avec l'Algérie. Du moins, il a coupé avec l'Algérie, mais eux, ils l'ont allé le chercher. Eux, lui, comme il était naïf, il l'a dit d'ailleurs. Il a dit qu'il n'avait pas, tellement il avait coupé avec l'Algérie, il n'avait pas connaissance des gens qui étaient au pouvoir. Donc, il ne savait pas que c'était des diables qui étaient au pouvoir. Il était naïf. Donc, depuis qu'il a donc annoncé des choses, il va faire des comptes, il va rendre des comptes, il va y avoir, tu vois, muhasabat. Donc, c'est à partir de là, ces gens-là, ils ont senti que ça va se retomber sur leur tête un de ces jours. Donc là, ils ont pris la décision de le tuer. Et on a des fois Nahshem qui nous dit aux gens, des étrangers, des Américains et tout, quand je leur parle, Nahshem des fois, ou la guerre Nahshem, j'ai honte, un président tué à l'antenne. Ou la guerre Nahshem, sincèrement. Un président le tue à l'antenne, hakda, haja normal. En plus, et par la suite, on nous fait gober des couleuvres, hakda, le Mbark Boumara fait ceci, cela, tel. Ils prennent le peuple pour vraiment les moins que rien. Les gens qui l'ont ramené, ils ont déjà commis une erreur. C'est le fait d'autoriser un parti islamique. Parce que c'est anticonstitutionnel. La constitution interdit la constitution de parti à base de religion. Il l'a dit lui aussi. Donc, Hamorosh en particulier, ils ont commis cette erreur. Et par la suite, ça, c'est parti dans tous les sens. Ils ont fait appel à Boudiaf. Donc, la première erreur, c'était déjà de commettre cette erreur constitutionnelle. Maintenant, un deuxième point. Raktis ma fille, Samir. Oui, très bien, ça passe, c'est clair. Ouais. Maintenant, le deuxième point. C'est Hadak Mbarak qui est en prison. Récemment, j'ai écouté une vidéo. Un témoignage d'un certain terroriste. Les repentis. Hacha Samaïn. L'ismouh l'ayada. Il dit, j'ai des secrets. Je sais des choses à propos de la mort de Boudiaf. Il le dit. Puisqu'il a été dans la même prison que Mbarak Boumarafi. Il le dit à l'antenne, Hakda, se repentir. Il n'y a personne qui va le questionner. Il n'y a personne qui va chez lui pour prendre des notes, pour le questionner, pour creuser un peu. Dans les pays développés, Lyon, les États-Unis, Dork, tu fais un commentaire à la presse, ou là sur Facebook, ou là sur Twitter, ou là sur la toile, tu dis quelque chose par rapport à la mort de Kennedy, une heure après, on te questionne, on t'interpelle. Tu vois? Même pas une heure, même pas. toute Zaïre, comme c'est un pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a rien, c'est un pays de rabbin, il y a un terroriste qui dit je sais qui l'a tué. Il n'y a personne, il n'y a personne qui l'interpelle. Voilà, de toute façon, ça donne ça, en fait, quand on a une justice complètement défaillante, quand on a des institutions défaillantes, ça donne des situations comme ça, ouais. Il n'y a pas de justice, vous disiez, il n'y en a pas. Par rapport à la justice, récemment, on va parler de Ma'toub. Ma'toub, il a été tué le 25 juin, donc il y a 4 jours de ça. C'était son anniversaire. Malika Ma'toub, elle a fait un communiqué. Elle a fait, parce que dans une télévision avec TV4, le Malabesh, télévision avec Zaïre, à un moment donné, ils ont ramené des gens. قالوهم هذا اللي قتل معتوب وهذا او يلو ديز وي سي نو حنا سوسي سولا اوكي هي راحت للجوج قالت له على لا تيلي اون بار دي جون كي اون توي معتوب است كو فو لي زافي اوديسيوني قال لها نو نو نو نو سي با لا بين كومون سا سي لو برو سي دي جون كي اون لي بسودو جون كي اون توي معتوب سا دورا 5 مينوت. C'est quoi cette justice? Après, il dit que ce qui m'énerve, c'est ce chab qui est encore en Bouteflika, ou l'amnistie, ou je ne sais pas, il faut faire trier la fitette. Non, le pays est gangréné, le pays est pourri, il y a un problème sérieux, on va à la dérive. On ne peut pas éviter une guerre. Si ça continue comme ça, ça va être une guerre parce que le jour où ça va exploser grave. On ne va pas parler de centaines de morts, on va parler de dizaines de milliers de morts. Donc c'est grave ce qui se passe. Il faut agir maintenant. C'est très clair. Donc voilà, il faut que le changement soit imminent parce qu'on va, droit à une crise grave. Et c'est ça que sont tu de jour en jour. Et quand ils avaient arrêté le processus électoral, ensuite ils avaient mis le HCE, ensuite Boudiev, ensuite Zerwell, etc. Depuis 21 ans maintenant, ça n'a pas changé finalement. C'est-à-dire le régime continue à être illégitime. Ça s'est empiré avec l'exode déjà. Les gens, ils fuient l'Algérie. Encore pire maintenant, Bouteflika Hada qui fait l'amnistie. Des gens qui ont tué, hein, ils les amnestient, et ils sont là, peinards et tout. Mais ça ne rentre pas dans la tête. Et quelqu'un qui a tué, il doit être jugé. Quelqu'un qui l'a tué, il doit être... Justice doit être faite. Et puis, il y a des victimes à qui il faut rendre justice. Exactement. Exactement. Moi, je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui, dont le frère ou la sœur ou le père ou la mère a été tué par un terroriste. Je ne peux pas me mettre dans la peau de cette personne parce que je ne peux pas l'admettre. Quelqu'un qui tue, il doit être jugé. Donc, c'est depuis... Tu sais que l'Algérie est vraiment partie en couille, comme on dit, depuis la mort de Boudiaf. Et depuis ce jour-là, on n'arrête pas de nous raconter des salades. La dernière salade, c'est avec le Bouteflika. Il est quelque part, on ne sait même pas où il est. Le pays, il est sans président pendant plusieurs jours. Et les gens, ils sont là, ils sont tout contents. Et des fois, récemment, l'émission Taak Hadik, ça me met en colère quand j'entends des gens. Mais c'est le hum rahoumi eidouf Bouteflika. Je me dis, soit ils sont malades, soit je ne sais pas. Soit ils sont dans le système. Ils sont là pour. Ils sont payés pour dire ça. Et tant, c'est. Quand tu vois des... Anna, je suis aux États-Unis. Je ne suis pas en Algérie. Mais je sais ce qui se passe. C'est-à-dire via Internet, via YouTube, via les médias. Ça veut dire que quelqu'un qui vit en Algérie, il a plus de connaissances que moi par rapport à la situation en Zaïre. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont... j'allais dire, très mécontents de la situation, attention, hein, c'est-à-dire même s'il y a quelques-uns qui peuvent dire Bouteflika ceci ou la Fahamatouhou, etc. Mais je pense que la majorité, à mon avis, d'après ce que je ressens dans tous mes contacts avec l'Algérie, les Algériens, avec Tawana, on voit qu'il y a un mécontentement, mais énorme, c'est-à-dire la majorité des gens sont mécontents, ils sont pas contents de ce qui se passe et tout, hein. C'est sûr. Il y a le chômage, il y a la situation sécuritaire, il y a tous les fléaux, tous les problèmes en fait. Et là, moi, ça reste mon opinion. Je ne représente personne, mis à part moi-même. Donc, le changement, il doit être fait dans le plus bref délai. Et toute cette gente-là qui sont au pouvoir, Bouteflika, avec Médiane, tous les généraux, tous les gens qui ont maintenant un certain âge, ils doivent reposer chez eux ou en prison, ça dépend. Donc c'est fini. Clair. C'est très clair. Sinon, Atexaha Thamour. Voilà, Samir. Merci beaucoup pour l'appel. De toute façon, n'hésite pas à rappeler. Là, je vois qu'il y a des personnes, ils ont bipé plusieurs fois pour passer. Okay. Sinon, il n'y a pas de problème. De toute façon, il ne faut pas hésiter à rappeler plus tard. Chicha des aides, et puis c'est bon. Merci à toi pour l'intervention. Je te souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. C'est très gentil. À très bientôt. Bye. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba bik, Adel. Azul filak. Azul Thamour. Ça va. Merci pour l'appel. Nous sommes en direct. Tu as écouté le sujet de l'assassinat de Boudiev. Oui, j'ai écouté au fait. Merci à toi et aux efforts que tu fournis pour déjà tenir cette radio. C'est et aussi les auditeurs aussi qui font un effort pour appeler un peu partout, hein. Je vois le précédent intervenant appeler des États-Unis. Absolument. Voilà, donc il y a quand même un engouement des gens, des Algériens, hein, des patriotes, comme C'est bien, je trouve ça bien, hein. Les gens ils participent, ils se sentent pas à l'écart, et c'est bien ça. Ben effectivement, moi je suis très content en fait de voir des gens voilà appeler pour que ce soit prendre des nouvelles, donner leur avis. Ben, je trouve c'est vraiment encourageant. Ben, voilà. Donc pour revenir au sujet, hein, je trouve que merci d'avoir posé aussi ce sujet qui est vraiment vraiment intéressant et notamment l'assassinat d'un président, hein, de la République. Exact. En direct à l'antenne, hein, comme disaient les auditeurs, c'était un message clair de la part des gens qui tenaient vraiment le pouvoir, hein, le pouvoir réel et pas le pouvoir fictif. Donc c'était un message à adresser directement au peuple et aussi aux opposants. Donc c'était clair pour eux. Si vous essayez de prendre la même direction qu'a choisi Boudiaf, vous aurez le même sort. C'était à peu près le message qui a été envoyé. Donc je trouve que ça c'est quand même ça donne en fait l'idée de la lâcheté des gens qui l'ont assassiné. Et pour donner compléter un peu les infos sur qui a assassiné, on ne sait pas et tout ça. Je pense qu'il y a un auteur qui a écrit ça, hein, c'est-à-dire un ancien colonel, je pense que tu le connais, c'est Samraoui, Mohamed Samraoui, qui a écrit un livre que je demande vraiment aux gens de lire pour comprendre en fait comment s'est fait cet assassinat et de quelle manière a été exécuté, donc qui sont les commanditaires, hein, les gens qui ont ordonné cet acte de lâcheté. Il y a aussi pour les auditeurs un autre site internet, celui du mouvement des officiers libres algériens, qu'ils peuvent aussi retrouver beaucoup d'informations, notamment sur le sujet comme l'assassinat de Boudiaf ou aussi celui de Matoub. Je tiens vraiment à saluer personnellement ces gens-là, parce que c'est des gens qui aiment leur pays et qu'ils démontrent avec des sacrifices et un temps, voilà, avec des sacrifices énormes. J'espère que les gens vont faire un tour sur ce site et se renseigner beaucoup plus sur cette organisation qui son seul but c'est de vraiment faire sortir l'Algérie de ce traquenard qui dure depuis plus de 50 ans quoi. Et ça dit c'est vrai hein, en fait voilà en fait finalement je pense que en écoutant un peu tout le monde que ça soit ici même dans ce qu'on est en train de dire ou par ailleurs sur internet dans les médias ou la filhouma ou là avec la famille et tout finalement personne ne fait confiance à la version officielle beaucoup de gens doutent blie les généraux ou là les décideurs sont pour quelque chose dans cet assassinat finalement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par ailleurs, en fait, je ne sais pas ce que toi tu en penses, à la Berkbli, ça s'est produit quand même dans des conditions très délicates en Algérie. Et certains reprochent quand même à Boudiev sa responsabilité dans ce qu'on peut considérer comme de la déportation de personnes. Hein. On les a déportés dans des zones radioactives pour certains. Dans les camps du sud et c'était Flessimois Hadouk ça a commencé Flessimois Hadouk ta Boudiev et certains mettent cette responsabilité sur le président Boudiev d'autres ne la mettent pas sur lui en fait ils disent il y avait d'un côté les décideurs les généraux qui avaient pris les décisions de faire ce qu'ils ont fait et Boudiev il était là il venait de s'installer je sais pas ce que toi tu en penses est-ce que tu le considères comme responsable quand même de ce qui s'est produit. Non, je pense qu'il y a une chose que moi je respecte Boudiev pour son militantisme qui a prouvé que c'était un grand moudjahid donc qui a vraiment qui fait partie du noyau dur du FLN et qui a combattu la France avec et qui n'ont rien récupéré quoi derrière c'est-à-dire c'est pas des gens qui font la guerre et après on récupère ce qu'il y a. Tout à fait. Non, c'est des gens qui vont vraiment sacrifier leur vie, leur temps et leur jeunesse pour une patrie. Je respecte ça. C'est le cas de Boudiev, c'est vrai. Oui, je respecte. Et il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont... C'est-à-dire que moi c'est une grande... Je trouve irrespectueux, par exemple, de considérer les gens qui ont combattu pendant 7 ans et les prendre pour des moudjahides, alors que je tenais vraiment à dire aux gens que la révolution, c'est pas que les moudjahidines qui l'ont fait, c'est le peuple algérien qui l'a fait. Tout à fait. Mais quand même, il faut réfléchir deux secondes. Mais qui distribuait qui donnait au fait aux moudjahidines à manger, à les protéger, à veiller sur eux? Arrêtez quand même. Et je suis sûr que n'importe quelle famille algérienne a participé à cette guerre. Je pense aussi, ouais. On a comptabilisé uniquement des révoltes qui sont de 54 jusqu'à 62. Ah mais il y avait la colonisation a duré 132 années. Il y a des gens, je prends l'exemple de ma famille, a perdu toutes ses terres à cause parce que mes grands-grands-parents ont soutenu le Haddad par exemple. Et personne n'en parle. Bon, ça c'est autre chose. Mais revenons au cas à la question que je trouve très très très pertinente aussi, c'est que Boudiev, c'est vrai, ils l'ont emmené, mais ils l'ont emmené pour faire quelque chose avec. C'est-à-dire, on ne veut pas emmener quelqu'un pour rester sur le fauteuil. C'est-à-dire, voilà, non, ils ont fait ce qu'il faut faire avec. C'est-à-dire, il a signé sur les arrestations, hein. C'est-à-dire je prends l'entière responsabilité que c'est moi qui a ça c'est une erreur qu'il a faite ça c'est une erreur on lui reproche premièrement c'est pas on lui reproche d'avoir signé prendre la responsabilité sur les camps de concentration au Sahara Erguen et tout ça donc moi je premièrement c'est l'erreur qu'il a faite c'est que il a accepté de venir. Elle a accepté de venir alors qu'il y avait un coup d'État sur une élection, c'est-à-dire un coup d'État. C'est-à-dire qu'en venant, c'est comme si donner la légitimité à ce coup d'État. Alors, normalement, il faudra être contre complètement, dire qu'il y avait des élections qui sont passées. Je rappelle, je suis pas islamiste, donc voilà. Il y a des élections qui sont passées, elles étaient libres, un parti politique a gagné. il y a un coup d'État qui suit après, et juste après, vous dites, bon, je reprends les rênes de l'État. Et qu'est-ce que vous faites du parti qui a gagné? C'est pas une démocratie, ça. Le parti a été interdit et on connaît la suite, comment ça a dérapé dans la violence totale. Ben voilà, c'est-à-dire que la violence est venue premièrement des gens qui ont fait le coup d'État, c'est pas de l'autre con. C'est-à-dire, je suis pas islamiste, je soutiens pas les islamistes et tout ça, donc il y avait des élections qui étaient libres. Le journal officiel a reconnu que les élections étaient libres. Donc, pourquoi accepter de venir prendre le contrôle du pays alors qu'il y avait un parti qu'on a dépouillé de sa victoire? Ça, c'est la première erreur. Après, on peut parler de son nationalisme, parce qu'il a vraiment lancé vraiment des actions contre les gens les plus corrompus du système. C'est à cause de ça qu'on a décidé de le liquider. Je pense que c'est sur le site du Mahol qu'on peut lire, effectivement, par exemple, que ils ont raconté ça justement. Par exemple, Bli Boudieff avait mis en place un petit groupe de personnes très proches de lui à qui il a demandé de faire des enquêtes sur les biens et les avoirs des plus grands patrons de l'armée, etc. Il voulait vérifier tous leurs avoirs en France, etc. Et on dit que c'est suite à ce type de démarche, parce qu'il a voulu remettre les choses à leur place, que voilà, ils ont décidé de le tuer. Voilà ce qu'on dit de ce côté-là. Absolument, absolument. Et c'est ce que je disais au départ, le Mahol, c'est le site en fait du mouvement algérien des officiers libres qui font vraiment un travail formidable, et je tiens vraiment à les remercier pour ça. Donc pour revenir aussi aux assassinats, il n'y a pas que Boudiaf qui est le grand homme qu'on a assassiné. Mais avant, il y avait des gens, Msili, il y avait Ben Ramzan, il y avait Khidr, il y avait Karim Belkacem, il y avait beaucoup de gens en fait qu'on a assassiné à l'étranger, donc même à l'intérieur du pays, quoi. Donc c'est vrai que ces assassinats ne datent pas d'hier, mais voilà, il faut que le peuple algérien actuellement se pose des questions. Qu'est-ce qui nous réserve l'avenir avec tous les scandales qui éclatent, un président qui soigne dans une institution militaire étrangère, le pays qui marche qui marche à la lumière de la poitrine, comme on dit, pour faire une traduction directe. Ouais, tout à fait. Et la corruption qui est partout, donc il faut que les Algériens se posent la question. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce qu'il faut bouger? C'est pas ce qu'il faut bouger, il faut vraiment bouger, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment terrible. C'est vrai, c'est mieux de rappeler l'histoire et les tragédies qui ont touché notre pays. C'est admiratif, mais aussi il faut penser à la situation actuelle. Je pense qu'elle est beaucoup plus dure et urgente que les années 90. Moi, je sens que là, on y va vraiment vers le mur, parce qu'il y a, une perte de confiance entre la population et ses institutions, ce qui va déchirer le pays plus tard et le diviser en plusieurs parties. Je pense que c'est déjà fait, quoi. Donc, il faut vraiment, c'est très urgent que chaque Algérien prend sa responsabilité. Et il va défendre les couleurs du pays, défendre le pays, sa terre et tout ça. Donc, il n'est pas défendre, et non pas défendre un seul homme ou un clan ou une personne, elle va mourir, mais l'Algérie va rester plus tard. Donc c'est ça. Hein. Il faut pas se prosterner devant un homme, il faut se prosterner devant le Dieu. Absolument. Et surtout, donner tout ce que chaque personne peut donner pour son pays, afin de le protéger et l'amener devant, quoi. Ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Absolument. Le message, je vois que le message est un peu le même, en fait. Ça dirait ouais. L'occasion de... On rappelle comme ça l'assassinat d'un président, ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Et on se retrouve, en fait, la problématique est toujours la même. Il nous faut absolument un changement. Et plus on attend, plus c'est grave. Et oui. Finalement, on est, je pense, nombreux à être d'accord sur ça. Hein. Ouais. Juste finir, après je laisse la place aux ouais. autres, juste pour dire les gens qui soutenaient Bouteflika. C'est vrai ce qu'il disait le mec, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie au fait de gens qui soutenaient Bouteflika parce qu'ils ont profité de la richesse du pétrole que le pays a acquis pendant ces 5 dernières années, avec la flambée des prix et tout ça. Donc, ou 10 dernières années, mais il y a aussi pendant les élections, je tiens à rappeler aussi quand il y a un meeting du président, président Bouteflika dans les régions un peu, on ramène des gens. Moi j'étais présent en fait à Bougie pendant sa venue pendant une élection. Ils ont ramené des bus remplis de femmes et d'hommes pour qui font rentrer à la salle, alors que les gens qui habitaient à Bougie, personne n'a été autorisé à rentrer. Voilà, je tenais à dire... Il faut le savoir. Certains ne s'en rendent pas compte, en fait. Ils croient que c'est les, par exemple, en parlant de bougies, c'est les bougiottes qui sont venues l'applaudir. Pas du tout. Moi, j'étais à Bougie le jour même où le président, il y avait, je pense qu'il y a plus de police que d'habitants. Je sais pas. Mmh. Ils ont ramené vraiment la police un peu partout. Ils ont ramené des cars immatriculés 16. Des gros cars, hein, des gros trolleys, comme on appelle, avec, je sais pas, plus de 50 places à l'intérieur, qui est rempli de femmes et de gamins hein, et de gosses et tout ça, qui viennent pour chanter et zomro, voilà, à l'intérieur de la salle sportive où a été le meeting qui a été donné. Où il a parlé, Mais voilà, je tiens à dire que les gens qui ils se déplacent, ils ramènent des gens un peu partout, dans plusieurs wilayas. Ils font pas ça qu'à Bougie ou à Melboari ou à Oran et tout ça. Donc ils ramènent des gens qui, bien sûr, qu'ils payent, je sais pas, par jour hein, ou par mission accomplie, hein, je sais pas. Ouais. Mais qui font le nombre à l'intérieur des salles de meeting et tout ça. Donc je tiens juste à dire aux gens qui tiennent les rênes du pays, vous allez mourir, vous allez payer plus tard. Voilà. Très bien. Donc merci Samir pour je t'en prie. C'est moi qui te remercie pour l'intervention à Texaha. N'hésite pas à rappeler quand tu veux. Ça va continuer de toute façon tous les samedis soirs, peut-être même d'autres émissions. Donc, marhaba bik, quand tu veux. Inch'Allah. Et j'aimerais juste dire que, c'est-à-dire en parlant comme ça, c'est pas ce qu'on n'aime pas l'Algérie, on aime plus l'Algérie qu'autre chose. Donc, on n'a qu'un pays, nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas trinationalité ou trois nationalités ou deux nationalités. Donc, on n'a qu'un seul pays et une seule terre. Voilà, on aime l'Algérie, c'est pour ça qu'on fait ça. Merci. Très bien, tu le rappelles très très bien. À très bientôt, Inch'Allah. Salmir Sahit. Khaouti, je remercie ceux qui sont en train d'essayer d'appeler. Je vais essayer de passer direct. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, bonsoir, Khoya Samir. Sherif Akdash, marhaba bik. Bonsoir, Khoya Labes. Ça va très bien, merci pour l'appel. Tu as suivi sur le sujet l'assassinat de Boudia. J'ai suivi les interventions de nos amis algériens. Très bien. Comme tous les Algériens aussi, je voudrais rendre hommage à cet homme. Bien que certains lui en veulent pour Erdogan, etc., je pense qu'il n'avait pas tout le pouvoir non plus. Qu'il a essayé comme Qasem Erbah et tout le reste des gens honnêtes du pays qui ont essayé de redresser un petit peu la machine avec cette caste mafieuse. Mais bon, la lâcheté est plus forte que certains hommes honnêtes, quoi. Voilà, je voulais juste, comme tous les Algériens, lui rendre hommage, hein, qu'il est dans notre cœur et qu'on n'oubliera pas. C'est une question qui tient à cœur tous les Algériens. Et tant qu'elle n'est pas élucidée, elle restera posée par les Algériens de plus en plus, même pour les générations qui vont suivre. Mais je voudrais aussi parler de tout ce qui a entouré l'assassinat de Boudieff. Moi, je suis originaire de Annaba et j'habite à 500 mètres du centre culturel où il a été assassiné. Les bruits qui ont couru avant les journaux, etc., c'est les bruits des gens du quartier. certaines anomalies ont entouré cet épisode, notamment la fuite de Boumar Rafi juste après l'assassinat. Il a sauté derrière le balcon à Taqsir Taqaf que tous les Bounois connaissent. Il a pris le boulevard vers le lycée Saint-Augustin et il s'est arrêté à la cité Bouna qui est juste avant le commissariat de police. Ça veut dire que cet homme-là, quand il a exécuté, quand il a fait son œuvre, il savait très très bien qu'il allait y passer aussi. Parce qu'un terroriste ne se livre pas juste après, il ne se dirige pas vers le commissariat de police, ce qui constituait une sorte de protection pour lui. Mais avant le commissariat de police, et ça tout le quartier, tout le monde le sait, à Annaba, il s'est arrêté, il est rentré dans une maison où la porte était entrouverte. Il n'y avait qu'une seule femme dans cette maison-là. Il a demandé d'appeler la police, lui-même. Et puis les flics sont venus l'arrêter. Il a été donné au procureur de la République, qui a été rappelé par l'armée de l'envoyé hélico. La deuxième anomalie, c'est Boudiev. Il y avait la Mercedes présidentielle qui était à l'aéroport. Elle était démunie de tout instrument d'urgence. Et tout le monde le savait à Annaba. Tout le monde le savait. C'est une Mercedes présidentielle marron. Elle était démunie de tout instrument d'urgence. Les services de sécurité qui étaient en place, il n'y avait aucun ministre avec lui. Tout était comme déjà préparé. Et la troisième anomalie, c'est que cet homme-là, au lieu de l'emmener dans l'urgence à l'hôpital le plus proche, ils l'ont mis dans une voiture et non pas dans l'ambulance présidentielle. Ils l'ont mis dans une voiture. Ils ont pris le boulevard du 1er novembre. Ils l'ont emmené en face de la mer dans le mess des officiers. Ils lui ont donné tout le temps de mourir. Ils l'ont lui donné tout le temps pour qu'il n'y échappe pas. Ça, c'est des anomalies qui ont été constatées dans l'heure qui suivait à Annaba, dans le quartier. C'est pas des journaux, c'est pas des analystes, c'est les gens qui racontent sur place. Sur place. Ce qui met un doute énorme sur l'opération. Exactement. Et moi, je voudrais à travers ça aussi rendre hommage à certaines personnalités de Annaba qui sont morts aussi. Il y avait une personne que je voudrais bien citer, juste comme ça pour l'histoire, quoi. Un homme qui s'appelait Kouch, Mahiddin Kouch. Mahiddin Kouch est originaire de Tbessa. Quand il a mis le pied à Annaba, il était chef de la PAF à l'aéroport Al-Mellaha. C'était un jeune policier qui venait à la vie, Khaddam, tout le monde le connaissait à Annaba. C'était un homme qui se baladait sur le cours de la révolution, même les épisodes de 88, lui il n'avait rien à se reprocher, il était les mains nues, il se baladait en civil, et même l'ancien commissaire Mbarak, que tout le monde connaissait, Rabbi Yarhamou, un vrai dictateur, originaire de Constantine, lui a reproché de se balader pendant les émeutes parce que il n'avait rien à se reprocher. Cet homme-là, Kouch, qui après est devenu le chef de la police d'intervention de Sidi Ibrahim à Annaba, qui est resté toujours honnête, toujours simple, toujours authentique, à un moment donné, les années 90, ils lui ont donné le poste de chef des RG, des renseignements généraux. Il habitait à peu près 1000 mètres du commissariat de police. Ils lui ont proposé un chauffeur et un garde du corps, il a refusé, puisqu'il habitait juste à côté, et c'est un homme qui disait toujours qu'il n'avait rien à se reprocher. C'était le premier homme abattu fait Annaba entre à chaque midi et rentré de chez lui pour manger chez lui et revenait à 1h30 pour aller reprendre son service au commissariat de police. Ils l'ont assassiné juste à côté de chez lui. Ils l'ont d'abord menacé par téléphone. Ils lui ont foutu la pression pour qu'il accepte la protection. Il a refusé, c'était le chef d'IRG, Annaba. Les renseignements généraux, c'était Kouch à ce moment-là. Ils l'ont abattu juste devant chez lui, deux jeunes en moto, dont un avait une boucle d'oreille, tout le quartier le savait, Gitlo. Et lui-même, avant de mourir, la dernière parole qu'il avait citée, c'était Khadaoun il Kleb. C'était ça. Mahiddin Kouch, c'était un homme. Il y en avait d'autres, il y en avait un autre inspecteur de police qui s'appelait Loulou. C'était pareil, c'est lui qui menait les interrogatoires au commissariat d'Annaba. Quand sur les interrogatoires, il y avait des policiers qui voulaient assister, ils les refusaient parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas de confiance. Cet homme-là, à travers les interrogatoires et les enquêtes, il a commencé à se douter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'Annaba était très très calme au départ, jusqu'à ce qu'un groupe, soi-disant, qui venait de la Rouate et qui appartenait au JIA, a débarqué dans le maquis d'Annab à Saraïdi et a commencé à poutre la zizanie et a commencé à exécuter ces gens-là propres, ces gens-là qui n'ont pas voulu marcher dans la combine. Donc hommage à Mahiddin Kouch, hommage à Loulou, un commissaire très honnête, un père de famille, hommage à Al-Arif. Al-Arif, c'était un salafiste non politisé qui appelait les jeunes à ne pas prendre le maquis. Ils l'ont menacé à cause de ça. Il ne fallait pas qu'il appelle les jeunes à ne pas aller au maquis. Ils l'ont abattu au Fiwad Khubba à Annaba, juste devant chez lui. Et les gens de Annaba savent très très bien de quoi je suis en train de parler. Tous ces gens-là ont été abattus d'une manière très très traître, très lâche. Donc je rends hommage à ces gens-là, par l'occasion de rendre hommage à Boudiev, parce que derrière Boudiev, il y a tous ces gens-là qui ont été assassinés dans la lâcheté tout à fait, aussi. Tout à fait, il y a tous ces gens-là qui ont été assassinés, et eux, on ne les oublie pas aussi. Et les gens de Annaba savent très très bien, concernant Kouch, ce que je suis en train de dire et de quoi je parle. Parce que juste à côté de Kouch, à 200 mètres, 300 mètres de Kouch, il y a un sous-lieutenant de la sécurité militaire, personne ne l'a touché. Il y avait un autre collaborateur juste à côté de chez lui, personne ne les a touchés, ces gens-là. Mmh. Et on va tuer les gens honnêtes qui ne veulent pas marcher dans la combine. Mmh. Ça, on les abat. Voilà, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à cet homme-là qui a marqué tout Annab, hein, parce que tout le monde l'aimait, et jamais dlam, jamais hagar, il faisait son travail, mais il était très très honnête, et je voulais par cette occasion lui rendre hommage, et à tous les martyrs de l'Algérie, et de toute façon cette question restera posée, et c'est elle qui fera le malheur de cette caste mafieuse, parce que tant que ces questions subsistent, ça veut dire que les Algériens ne lâcheront jamais, et qu'il faut rendre justice au peuple algérien, à ces martyrs-là. Quant à ceux qui se disent repentis et qu'ils auraient des secrets, etc., pour moi, en tant qu'Algérien, ce ne sont pas des repentis. Ce sont des gens qui ont été rappelés à quitter leur mission. Leur mission, elle a été terminée. Ben, ils sont là, ils ont regagné leur civilité et un point barre, quoi. Hein. Ils ont été missionnés. Ce sont les mêmes qui sont montés au maquis au nom du djihad, etc. Ils ont rempli une mission, la mission dégueulasse, hein, celle de tuer Kazim Erbakh, celle de tuer Boudiev, celle de tuer tous ces gens-là dont j'étais en train de citer aussi. Et voilà, quoi. Donc, hommage à tous ces gens-là et honte à ceux qui les ont lâchement assassinés, et on leur dit l'histoire est en train de leur faire honneur et vous faire honte à vous, et elle continuera comme ça. Voilà. Très bien dit, merci beaucoup et merci à tous les Algériens de s'occuper de cette question, et bon courage à tous. Merci à toi, bon courage et à très bientôt. Rappelle quand tu veux. Merci. Merci Chérif, je pense qu'on ne peut pas le dire mieux que ça. À Texaha, je prends un autre appel direct sans transition. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Marhaba bik, Salem. Oui, salam alaikum, Samir. Marhaba bik, si tu peux couper la radio, Andek. C'est bon, je viens de la couper, c'est bon. Très bien, on va parler sur Skype, le son est bon. Marhaba bik. Très bien, même. D'accord. Je voulais intervenir pour le Marham Boudia. Ça a déjà été les Algériens. Il ne faut pas pleurer son sort. Il ne faut pas être au point d'être lâche à ce point. Parce que Boudiaf qui met, c'est à l'Algérie. C'est les Algériens, ils me suivent le Moukabala ou ils me suivent le Moukabala. Si c'est Boudiaf qui était vivant, ce n'est pas ce qu'il demande au peuple algérien. Il est mort pour la liberté de l'Algérie ou la justice en Algérie. Donc les Algériens aujourd'hui, par le fait, ils me suivent à chaque fois, ils pleurent sur sa tombe. C'est comme si. Si t'es vivant, il sera révolté. Parce que les Algériens, là où je le. Je sais pas moi, à chaque fois, on est arrivé à un point de devenir des gens à l'ancien siècle. Où il y a la place de Hajarim, une horrible futilité, une division énorme. Ou qui est un peu que je sais pas, ce qui m'énerve le plus. Parce qu'il y a des gens qui disent que le fils il a gagné les élections. Il n'a pas gagné les élections, le fils. Comment ça se fait qu'un régime, depuis 1962, il permet à un certain moment de la vie de permettre des élections libres et transparentes? Ça, ça ne peut pas exister. Si vous voyez juste le passage de l'Abbé Bachel, le cardinal de la mafia algérienne, le passage du cabinet du président Chadli, il a passé au ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire celui qui gère les élections. Quand ça se fait qu'un passage, ça se fait à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de fraude massive. Le fils, il n'a jamais gagné en Algérie. Il n'a jamais gagné. C'est des gens, ils sont en train de dire n'importe quoi. Ce régime-là, il ne connaît jamais la transparence. Parce que c'est les mêmes personnes qui décident, les mêmes personnes qui restent dans le pouvoir depuis des années et des années. Ils ne peuvent pas permettre à un parti comme le FIF ou comme un autre parti de venir dans le pouvoir à travers les urnes. D'ailleurs, le FIF, ils l'ont entretenu depuis 1962. Ils sont en train de, les associations islamiques, c'était une association avant 1962, c'est l'association de l'islamie, les valeurs islamiques. C'est à travers ça qu'ils ont commencé. Et c'est à cause de ces gens-là, avec l'abdication du pouvoir en place, c'était Ben Bella Boumediene, ils ont laissé plein de liberté à ces gens-là. C'est eux qui ont décidé dans la constitution que la religion, l'islam, c'est une religion de l'État, l'arabie, c'est eux qui ont décidé de jour de vendredi qui soit une journée pour la prière et qu'ils sont une journée chômée, ils ont eu de repos, mais ils ont transformé cette journée-là en un pâchoir de politique, quoi. Les mosquées sont devenues des endroits où on prêche la politique, quoi. Mais à l'extérieur, on ne peut rien faire. Et les gens, la plupart des gens, ils te parlent de Fadim Elbash. Fadim Elbash, il fait partie du système aussi. C'est lui qui, avant même la venue de ce qu'on appelle le DRS actuellement, lui aussi, il torturait des gens. Il y a plusieurs révoltes, plusieurs personnes qui ont demandé la liberté en Algérie, qu'il y a des élections libres. C'était le directeur de la sécurité militaire. Aussi, il a torturé. Et chacun il fait une chose. Il y a des gens qui vont le remplacer, ils vont faire la même chose que lui. C'est un système qui en continue. Et les gens, en fait, ils disent des choses, ils parlent au hasard comme ça, ils voient des vidéos, ils parlent du site de Morwell ou j'en sais quoi. Mais le système, le fait, on n'a pas besoin que des gens, des officiers civils, ils viennent, ils nous racontent ce qui se passe. On nous dit que tout faire, c'est le directeur du DRS, il y a machin, tata, il y a compagnie. En fait, c'est un système qui n'est pas fabriqué juste sur le DRS. C'est un système qui est fabriqué, il y a une mafia, il y a comme, je sais pas, il y a plusieurs clans qui sont d'accord entre eux. Le problème des Algériens aujourd'hui, c'est qu'ils accusent tous les militaires d'être des pourris. Ça se fait qu'un militaire peut-être qui est intègre, qui fait bien son travail et qui entend des gens dehors qui disent qu'il est pourri. Donc, il le pousse à devenir pourri. Donc, arrêtons avec cette politique-là de tout pourri. Il y a des gens intègres dans l'institution militaire, dans le département du DRS. Il y a une mafia, une poignée de mafia qui gère les gens et qui a transformé l'appareil sécuritaire qui a transformé la jeunesse algérienne qui rentre dans l'appareil sécuritaire comme des esclaves. Ils les suivent. Le système algérien, en fait, il a détruit l'éducation nationale, il a détruit l'université algérienne, il laisse pas les gens se documenter, de lire des livres. Il y a une enquête dans les mots qui a divulgué qu'un Algérien, il est un quart de feuilles. C'est incroyable, quoi. Alors qu'un Américain peut lire, je sais pas, 20 livres par an. Plusieurs livres, oui, tout à fait. Mais sinon, smahli khoya, juste deux petites choses. Je voulais avoir ton avis, Haka, si tu veux donner ton avis, il n'y a pas de problème. Juste d'abord, donc tu parlais tout à l'heure de un recueillement qui se fait à l'Alia. Cimetière Alia f qabr où راه le président Boudiaf Allah yarhamou. Aujourd'hui, ils ont arrêté des gens qui voulaient aller se recueillir sur la tombe de Boudiaf. Ils les ont arrêtés soit à côté de l'Alia, soit f Jazer Assem. Ma question, c'est normal de les arrêter? Non, c'est pas normal. Mais il faut savoir que ce pouvoir-là, il a en dessous de lui un volcan et qu'il le sent. Il faut le savoir ça. C'est que ils ont peur maintenant. Ils savent très bien que le peuple est en train de se remonter. Et il va avoir des choses. Donc, il bloque le maximum tous les points qui peuvent déclencher une révolte. Et comme ça se fait aujourd'hui, qu'ils ont embarqué Benjoudi, compagnie les gens de Mjis, j'ai vu ça, j'ai même une source en Algérie qui m'a dit ça, donc il ne faut pas les laisser parler. D'ailleurs, la dernière fois, ils ont permis à Benjoudi de s'adresser à Khalil Zal. Donc, cette fois, ils ne le permettent pas. Donc, parce que la jeunesse algérienne et les Algériens en général, ils s'attendent juste au moment pour sortir. Et je m'adresse justement à la plupart des Algériens. À chaque fois quand tu parles avec un Algérien, tu dis pour quelle raison ça se passe comme ça en Algérie, ils te disent Cheb. On dirait que lui ne fait pas partie de Cheb. C'est devenu un truc incroyable en Algérie. Il y a des organisations, il y a des travailleurs qui sortent par secteur. Ils sont devenus comme des mendiants. Augmentez-nous le salaire, fais-nous ça. Regardez, quand tu leur parles de politique, ils te disent « Ah non, on ne sort pas pour la politique, non, non, on en veut juste une augmentation de salaire. » C'est comme si tu augmentes le salaire et le lendemain, il va devenir bien le monsieur, il va vivre tranquillement, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de délinquance. Ces travailleurs-là, ils sont devenus des mendiants. Ils demandent des trucs n'importe quoi. Il y a des chômeurs à côté d'eux, ils ne les aident même pas. Il n'y a pas de solidarité en Algérie. D'accord. En fait, ce système en place, il est vraiment une intelligence machiavélique. C'est incroyable, quoi. Il a su diviser les Algériens. Et tu entends chaque fois un Algérien, il te dit « Oh, il vient du Sud, lui c'est un Kabyle, lui c'est un Tlemcenien, lui c'est un Chaoui. » C'est incroyable, on dirait que c'est pas des Algériens. Et même quand tu le rencontres en Europe, il t'appelle pas un Algérien comme lui, il te dit « Oh, monsieur le Loranais, monsieur Tlemcenien, monsieur l'Algérois. » C'est incroyable, que nous qu'on parle de ça. Et des gens, ils ont endoctriné en plus les Algériens, une islamisation massive en Algérie, pour bloquer les gens, pour les laisser stagner, qu'ils ne réfléchissent même pas, ils parlent que de halal, haram. Aujourd'hui, tu vas en Algérie, tu discutes avec une personne et directement ils virent vers l'islam. On dirait que, je sais pas, tout le monde est devenu prêcheur en Algérie, tout le monde il connaît l'islam. C'est incroyable ce système qui a été mis en place par cette mafia, parce que ils ont détruit le système d'éducation algérien, ils ont détruit l'université algérienne. Et donc, les gens, ils sortent de système scolaire comme des abrutis, aussi pour les étudiants algériens. Je suis désolé pour le mot, c'est des gens, en fait, c'est un diplôme qui est bidon, quoi. On a vu la dernière fois concernant l'examen du bac, et ça se passe depuis des années, quoi. Et ça continue. Et en fait, les gens, ils sont contents, quoi. C'est pas qu'ils sont contents, en fait, ils subissent, ils le disent, bichlus. C'est incroyable de penser de cette façon. Un pays aussi riche, on pose de cette façon, on laisse faire, on parle du fatwa, on parle de machin, regardez qu'est-ce qui se passe en Syrie, regardez qu'est-ce qui se passe en Libye, en Tunisie. Ben, les Libyens, ils ont voté islamiste, ils méritent, quoi. Les Tunisiens, la même chose. Il faut le savoir, quoi. Ils n'ont pas vu l'expérience algérienne avec le fils. Les gens, quand tu leur parles de... En fait, ces partis islamistes, ils contrôlent les gens par les sentiments. Ils leur parlent de Dieu, du fait quoi, et compagnie. Et les gens les suivent. Et ils ne savent pas encore que le vote, c'est une responsabilité d'avenir. C'est pas n'importe quoi. Quand on vote, même si une personne elle est athée, même si elle est juive, et on sait qu'il est travailleur, on vote pour lui. Parce que c'est un État, il faut séparer l'État de la religion. Et quand je vous disais tout à l'heure, concernant que les gens qui partent pleurer Bodjaf, franchement, Sine Vivo, il n'a pas besoin que les gens pleurent pour lui. Et il a besoin qu'il voit que l'Algérie est devenue démocratique, qu'il y a une justice et une indépendance de la justice. L'armée, elle reste chez elle dans les casernes. Elle est sous l'autorité du civil, comme il a dicté le congrès du SOMA. Donc, il a besoin de ça, Bodjaf. Très bien. C'est la deuxième question que j'allais te poser, en fait. J'allais te dire justement de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui lui fera plaisir, Boudjaf, s'il était encore vivant? Ben, tu viens de répondre à ça. Que les Algériens travaillent et qu'ils aillent vers la démocratie. Voilà, c'est la seule chose qu'il a besoin, Boudjaf, c'est qu'elle a besoin de ça. On ne peut pas nier ce qu'il a fait Boudjaf pour l'Algérie, mais on n'a pas besoin à chaque fois pleurer. Les Algériens aujourd'hui, il faut qu'ils prennent leur sort en main, il faut qu'ils décident dans leur avenir, parce que ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, c'est ce que le pays, on le voit se dégrader et les gens, ils sont tranquilles. L'État est en train de corrompre les Algériens avec leur propre argent, à travers le, je sais pas, la NEM, à travers le je sais pas, l'ONSEJ et compagnie. Donc, les gens, en fait, ils sont devenus cupides, quoi. Ils cherchent que l'argent. Et quand ils veulent voyager, ils voyagent à l'extérieur de l'Algérie. Tu parles avec des étudiants, ils te disent, je vais finir mes études et je pars en France. C'est incroyable, on dirait qu'ils ont très bien. Un pays. À chaque fois qu'ils te parlent, ils te disent, on est fiers d'être Algérien, mais j'aimerais bien savoir cette fierté, elle vient d'où. Très bien, Roya. Non, merci, c'est bon. De toute façon, c'est clair. Je vois qu'il y a d'autres appels, si tu permets, Roya. Bon, merci beaucoup et bon courage. Merci à toi d'avoir appelé. N'hésite pas à rappeler si tu veux. Merci. Allô, salam alaikum. Très bien, Roya. Non, merci, c'est bon. De toute façon, c'est clair. Je vois qu'il y a d'autres appels. Ah, il y a un doublon. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum, Tiziri. Oui, bonjour, Chicha. Marhaba bik. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. C'est gentil d'avoir appelé. Ben, merci à vous de nous donner cet espace pour qu'on puisse un petit peu discuter en groupe, mais à l'international, quoi. Moi, je vous appelle de Montréal. Eh ben, marhaba. Ben, c'est bien, ce soir, on a des gens de l'autre côté de l'Atlantique. C'est bien. Exactement. Comment ça va là-bas? Là écoute. C'est l'été ou là, c'est l'hiver, عندكم? Non, on ne sait pas vraiment. On n'a pas compris. Il pleut, il fait froid parfois, il fait chaud. Là, maintenant, il fait très chaud, mais c'est très humide. Ah oui, d'accord. Donc, on sait, mais c'est, normalement, c'est le début de l'été, il est pluvieux. Ça a toujours été comme ça. D'accord, d'accord. Ah oui, d'accord. Vous êtes habitués et tout. Très bien. Très oui, bien. On n'est pas étonnés. Très bien. Et là-bas, au Bled, c'est, j'imagine qu'il doit faire dans les 30 degrés minimum. Il y a des endroits où il doit faire 35. Où ça? Au Bled. Ah oui, ben, c'est sûr. La différence. C'est sûr. C'est sûr. Mais ici, parfois, il fait même jusqu'à 40 degrés. Ah ouais. Ah, il fait, c'est les deux extrémités. C'est, l'hiver, c'est le moins 40 et l'été, c'est le 40 degrés. Ah, ben, très bien, très bien. Très bien. Donc, je ne connaissais pas ça. Ben, merci pour l'appel. Merci Je ne sais pas si tu as suivi à propos de l'assassinat de Boudiev. Oui, pas si oui, tu... je vous ai écouté depuis le début. J'ai très entendu bien. Les avis de tout le monde. Très bien. Je pense que depuis 20 ans, on se raconte la même chose. On sait à peu près d'où vient l'origine de cet assassinat. Il n'y a pas que lui, ils ont assassiné une bonne partie de l'Algérie. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi après, 20 ans après la guerre, enfin on va dire 10 ans après la guerre civile, on fait quoi? C'est quoi la solution? Est-ce qu'on va continuer à dire « l'Ahralib, le Hukouma, on regarde ?» Ou là, on continue à fuir comme Hinaïa. Non, on n'avait pas le choix, on voulait se donner une chance de réussir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ou de là? Bah, c'est une bonne question, moi j'y ai pas pensé. Pardon? Je disais, c'est une bonne question, j'ai pas pensé à prendre la chose de ce côté-là. C'est vrai qu'on peut commémorer l'anniversaire de l'assassinat, par exemple, puisqu'on parle de ça, de Boudiev, pendant 20 ans, 21 ans cette année. Oui. Et il faut se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que son fils, Nasser Boudiev, lui-même, il pose le problème comme tu es en train de le dire. Lui-même, il veut reprendre le parti politique qui a été créé par son père, il veut lancer un projet de société, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement. Parce que la meilleure... beaucoup de personnes ont été assassinées, mais tout un peuple qui se dit fini, parce qu'un homme a été assassiné. Mais un homme n'est pas le pays. Le pays, c'est le peuple. Et puis, il est, et cet homme-là est supposé répondre aux besoins du peuple. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une grande perte, Mohamed Boudiev. Bon, moi, j'étais très jeune. Je me rappelle pas très bien, mais je me rappelle que c'était un événement qui avait choqué tout mon entourage. On est triste. La mémoire, c'est bien. Il faut se rappeler de toutes ces personnes un par un. Je suis sûre que une majorité de familles algériennes vont se rappeler de Boudiev, une personne de leur famille ou deux ou un groupe de personnes de leur entourage. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Est-ce qu'on doit toujours se dire ou on doit subir toujours cette peur de s'exprimer? Parce qu'on ne peut plus, on ne peut pas s'exprimer. Parce que si on s'exprime, on peut nous faire du mal à nous-mêmes. On a peur de faire du mal à notre entourage, surtout. Y a des personnes qui voudraient faire des choses, mais ils ont peur que leur famille leur arrive quelque chose. Des représailles. Ben oui, parce que c'est pas facile de dire la vérité en Algérie. C'est vrai que bon, il y a des chaînes maintenant qui se sont ouvertes. Il y a des choses, bel compte-goutte quoi, juste pour les faire taire. Aujourd'hui, la situation est très grave. Le président, déjà ça fait 2 ans qu'il est pas présent. On voit un cadavre à la télé et puis là il est inexistant. Et la meilleure, le comble, la cerise sur le gâteau, c'est que le Premier ministre s'expose avec un acteur en retraite qui essaye de raviver sa carrière à travers une ONG. Où sont nos priorités si même ils doivent faire semblant qu'ils arrêtent de nous ridiculiser, au moins un minimum. Ok, Elena, mais vous nous insultez en même temps à travers les médias mondiaux. Alors, notre Premier ministre reçoit Arnold et lui fait tout un carnaval. C'est vrai. La situation est grave. Je trouve que moi, quand j'ai vu ces photos-là, je pensais que j'étais en train de rêver. J'ai rien compris. Maintenant, il faut que le peuple, je pense, qu'il se réveille, qu'on pose les vraies questions. On a besoin d'éducation, on a besoin d'hôpitaux, c'est les trucs primaires. Ensuite, ça va venir. On n'a pas besoin de je sais pas, je vois des buildings avec des ascenseurs, des trucs à côté de bidonvilles, de gens qui peuvent pas se soigner. On rentre aussi dans le... Il y a des classes sociales maintenant. Moi, quand je suis rentrée en Algérie dernièrement, je suis rentrée avec des dollars pour passer de bonnes vacances, mais c'est le même niveau de vie. Avec ce que je suis payée ici, je pouvais vivre de la même manière en Algérie. C'était 4000 dinars, 40 dollars. On a tenu pour la semaine avec 40 dollars. C'est un truc de fou. Donc, le pouvoir d'achat nul, la liberté d'expression nul, les soins, l'éducation nul. Et ensuite, notre Premier ministre, il s'expose avec un acteur, un vulgaire acteur qui s'expose dans notre télévision nationale et nos journaux comme un invité d'honneur, en tout cas. Comme dirait Boudiev, où va l'Algérie? On sait plus. Maintenant, franchement, on ne sait pas. Moi, je me demande, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire par mon intervention, c'est qu'il faut qu'on pense peut-être à agir au lieu d'être spectateur. Il faut qu'on agisse. Nous, ici, on essaye de se réunir avec des étudiants et tout. On essaye de faire quelque chose pour notre diaspora parce que oui, c'est vrai que on n'est pas là-bas, mais même Fortora, la force jette mon bras. Donc l'indépendance, je pense beaucoup, ça a commencé par une réunion à Paris. Donc il faut qu'aussi notre diaspora se réunisse, qu'on arrête de fuir de son. Parce que ici, dans la diaspora, il y a les Algériens, Madorjma Algérien. Donc je pense que ça soit à l'étranger ou là à l'intérieur, qu'on arrête d'envier tout et n'importe quoi. Quoi, et essayer de s'unir. C'est ça la question. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut changer pour les prochaines générations? Parce que nous, on verra pas la vérité d'aussitôt, puis on va essayer d'investir pour les prochaines générations. Ouais, tout à fait. En fait, voilà. tu poses une bonne question qui nous concerne tous. Et c'est vrai que finalement, je le disais tout à l'heure et je pense que l'impression se confirme, c'est-à-dire tout le monde, 20 ans plus tard, tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde pour dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'Algérie, 20 ans plus tard, n'a pas réglé son problème finalement de gouvernance, c'est-à-dire de ceux qui gouvernent, est-ce qu'ils sont légitimes. Mais est-ce que Boudiev, on l'avait ramené pour ça, parce qu'on avait annulé des élections, puis on l'a ramené pour régler le problème, mais en fait le problème n'a jamais été réglé, lui-même il a été assassiné. Mais lui, il était naïf de croire qu'il allait régler un problème d'État comme ça, Wahdo, c'est pas ça, c'est maintenant, c'est pas 2-3 personnes qui vont régler le problème de l'Algérie. C'est ça que les Algériens, il faut qu'ils comprennent. C'est pas un président élu ou un député élu. C'est une force. Il faut que tout le monde dise non à la médiocrité déjà. Déjà, quand l'hôpital, il faut que je refuse cette qualité de service. Il faut une volonté générale. Je refuse. Et générale à tous les niveaux. Il faut que les gens arrêtent d'accepter la médiocrité. Il faut qu'une femme, quand elle marche dans la rue, elle n'accepte pas qu'elle se fasse insulter. C'est des petits gestes qui vont construire la nation. C'est pas en faisant des élections, de nouvelles élections, ça va rien régler. Il faut que la volonté vienne de ces jeunes-là qui ont fait des études. Et aussi, il faut que les jeunes Algériens, il faut qu'ils voyagent pour qu'ils voient c'est quoi le développement. C'est pas les hommes d'État, c'est le petit geste quotidien de tous les jours. Très bien. Moi, quand je marchais à Alger, je pouvais plus. J'avais du mal à respirer entre le resto, l'isrbelishen falia, le bus ait alia mol hadak, l'achet ait bani qolish smheli. Ça, c'est des choses. Bon, c'est culturel, mais c'est des choses. Il faut lutter contre tout malaise. C'est comme c'est ça qu'on tout, peut régler tout, ouais. nos problèmes. C'est un tout, ouais. C'est un tout, voilà. Et à tous les niveaux, il faut agir. C'est, on peut rien faire, mais et c'est à ton niveau, il faut agir. Ce que tu peux faire, litre de l'ailier. Eh ben, très voilà, bien, ça très reste bien. Mon avis. Très bien, très bien. C'est très voilà. clair. Le message est passé. J'espère qu'on va être nombreux à écouter ça. J'espère. Voilà. Et merci beaucoup, Hichija, pour cet espace. C'est très agréable. On est le week-end. Moi, j'ai décidé de ne pas sortir aujourd'hui. J'ai mis la radio. Ça me va très bien. Très, très bien. Ben, tu es la bienvenue quand tu veux. Tu peux intervenir quand tu veux aussi. Merci beaucoup pour ta contribution et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Bonne continuation, à bientôt. Merci, à très au bientôt. Revoir. Salut. Merci. Merci. Au revoir. Un dernier appel, chers amis. Allô, allô, salam alaikum. Allô, allô. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Khoya Halim, Halim Feddal, marhaba bik. On n'a plus beaucoup de temps, à la belle, qui reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure maximum. Mais je te remercie de l'appel, je ne voulais pas rater quand même. Bon, le sujet c'est l'assassinat de Bourrieff. Absolument. Voilà. Bon, je vais pas être long. Premièrement, c'est-à-dire, tout le monde doit comprendre il faut pas accepter les assassinats politiques, quelle que soit la tendance ou quelles que soient les motivations de la personne qui a été assassinée. Mm-hmm. Bon, là pour notre vision, c'est-à-dire Bourrieff, le choix d'accepter la proposition des généraux, c'est-à-dire c'est un choix qui n'était pas correct. Mm-hmm. C'est-à-dire il n'a pas, c'est-à-dire Medjab touche la légitimité populaire, Djabouh les généraux. Mm-hmm. Et il faut en tirer fin une autre conclusion, la politique d'implosion. La stratégie participative, les mouvements d'opposition, mm-hmm. elle ne peut pas donner de solution. La preuve, c'est-à-dire Djabouhouma ou Qatelou, parce qu'il ne kanch ma'ahom sur les mêmes longueurs d'onde. Mm-hmm. Donc, Bourrieff, en tant que politicien, c'est une. Rabbi Rahma Lakoulihal, mais politiquement, il était incompétent et il n'a rien compris. C'est-à-dire, le fait d'accepter, c'est qu'il n'a rien compris la situation de l'Algérie. On peut tirer fin d'une autre conclusion, la complicité de la France et de l'Europe fait avec le Wacht, parce que c'est-à-dire la France elle était pour ne pas dire bon donc je lance un appel les partis politiques par exemple le FFS. C'est bon, l'assassinat de Bourrieff, c'est-à-dire tout le monde a compris le pouvoir algérien ou qu'un cadre roi, c'est-à-dire cadre qui a tué le président Djabouhoua. Donc, c'est-à-dire le parti comme le FFS, je lui demande pour prendre en charge ce problème actuellement, problème des assassinats politiques, que ce soit Bourrieff, Matoub ou la Qasdim Rebah, et éventuellement même le problème des disparus. C'est-à-dire c'est une bonne carte, je dirais pas de pression parce que c'est des vies humaines, mais j'arrive en tant que parti d'opposition, ça mérite de se mobiliser pour ça. Deuxièmement, le Jma'a li hadrou généralement ils sont rahm de l'étranger, ils disent que nous on est à l'étranger, on peut rien faire ou le Jma'a li rafma qui peut. Si vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors je vais vous lancer un appel actuellement. Le jamaa gaa li rami sikno fi lkharij rana mhtajin la collecte ta les biens mal acquis ta les responsables algériens. Li andou, c'est-à-dire chaque personne ya'raf bli un responsable algérien chra villa, chra ouzine, andou un compte bancaire fi l'étranger أول سامير عمد كم لكوردوني تاع سامير هو يلفا يلفا يلفا فير سوي. يا مام لو سيت سي اون بو دير خويا حليم le site de votre association qui s'appelle anlc-dz.org ils peuvent entrer en contact avec l'association pour donner des infos et d'ailleurs ils peuvent les donner de manière anonyme donc mais mazal la page هذيك elle est toujours en construction. Il y a pas de problème mais le site anlc-dz.org il est déjà c'est-à-dire le nom de domaine est bon donc les gens ils peuvent déjà ils savent où aller chercher l'info mais ils peuvent me communiquer l'information moi je vous transfère ça sans problème. Mais sinon le site c'est bon anlc-dz.org mais on y reviendra dans une émission avec toi-même à propos de ce site, à propos de votre association. Et comme tu dis, moi aussi je crois à ça, c'est pas parce que moi je fais partie des gens qui vivent à l'étranger, mais je crois, Billy, les Algériens qui sont à l'étranger, ils peuvent apporter quelque chose. Chacun avec ses moyens, il ne faut pas abandonner le bled. Au contraire, il faut rester attaché au bled. Donc, après, tout le monde qui fait, il peut aider. صدقني سامير ليترونجي سورتو لا فرونس سي لا باز اريير تاع لي بوري تاع هنايا دونك سي سون اكولي في ماك وزا صدير حين يديروا صدير سسرى تري بينيفيك بور لي موفمون دو بوزيسيون بور سورتو ان ماتير دونتي كوربسيون تري بيان لو ميساج اي باسي اي اون اي ريفيندرا كوسيور On soutient totalement cette démarche. Moi, je soutiens totalement cette démarche. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Dans ce que vous faites, c'est beaucoup. Et à très bientôt. On garde contact de toute façon. On continue. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, Yael Salem. Je remercie tous les auditeurs qui sont intervenus pendant cette émission. Il nous reste encore 5 minutes, donc on peut plus prendre d'appels. Je suis désolé à Tavir. Il y a eu des appels, mais à la belle comme qui, on ne peut pas le couper pour passer quelqu'un d'autre. Je préfère laisser quand même chacun donner un peu son idée complète. Mais sinon, encore une fois, je suis très content de voir que les gens ils sont quand même participatifs et tout. Ils ont quelque chose à dire, ils se gênent pas pour parler avec les autres, donner son avis. C'est ce que je disais là avec l'auditeur qui vient d'intervenir. On n'a pas le droit d'être indifférent, on n'a pas le droit d'abandonner son pays. Il va se dire khteni ou khterasi. Au contraire, il faut rester vigilant, il faut rester attaché à son pays. On n'est pas tous d'accord et tout, c'est pas grave. Il faut apprendre à vivre ensemble avec nos différences. Donc moi je suis content à chaque fois que je vois qu'il y a des interventions ici ou ailleurs, c'est pas juste pour Radio Chicha, même ailleurs quand je vois que les gens ils interviennent, ils veulent participer, etc. Ils sont volontaires. Mais al khair. Sur le sujet de l'assassinat de Boudiaf Lahirahmou, donc on vient de le traiter aujourd'hui, c'est le 21e anniversaire de son assassinat. On a essayé de lui rendre hommage donc ce soir sur Radio Chicha parce que on considère que c'est un grand homme qui a traversé l'Algérie, qui l'a marqué d'abord la révolution, pendant la révolution et après la révolution, on a vu que peut-être qu'il a mal évalué le danger quand il est revenu en 1992, peut-être, je ne sais pas, moi j'ai pas de jugement à porter sur ça, mais je retiens que c'est-à-dire lui il avait fait ça parce que il croyait que c'était la bonne chose à faire pour l'Algérie, du coup il l'a fait, il l'a payé de sa vie. Encore une fois, Kimagelha Sherif Akdash, tout à l'heure, notre auditeur qui a appelé, c'est l'occasion de rendre hommage à tous les autres qui sont morts. Kima Boudiaf, ils sont morts violemment. Beaucoup de gens sont morts dans des attentats, dans des assassinats, dans des choses bizarres. Des gens ont disparu, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus. on pense à eux ou même c'est au homsh ou qui m'a la hâte y a ni nas li kant fi l'istima bli gar nas tqoul bli lazm la vérité. On peut pas y a ni, je pense que c'est la loi de l'être humain, bli il peut pas oublier. On a vu qu'il fait y a ni l'Algérie, les autorités elles veulent que les gens oublient. Bien sûr que il faut pardonner, etc. Il faut passer par un truc comme ça, c'est-à-dire toutes les nations se construisent dans une logique de pardon, de rassemblement, de réconciliation. On a vu même les pays qui sont actuellement comme la Tunisie ou même l'Égypte où c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de rassembler les gens. Il faut absolument que même les différents, ils doivent être capables de vivre dans un même pays et construire le même pays. Chacun est différent de l'autre. Donc voilà, c'est-à-dire les gens, ils sont tout le monde appelle à ça en fait. Et 20 ans après, 21 ans après l'assassinat du président Boudiaf, la situation politique en Algérie, elle n'a fait que s'empirer. À ce jour, il n'y a ni réconciliation sérieuse, ni solution à la crise politique qui est née en 1962 déjà. 65, c'est un coup d'État. 79, ils ont mis un autre président décidé par l'armée. Tous les autres présidents sont décidés par l'armée. Donc la crise politique profonde que vit l'Algérie, l'existence de l'État algérien, elle reste intacte. Jusqu'à maintenant, la crise, elle est là. Et 20 ans plus tard, qui m'a dit l'auditrice, où va l'Algérie? Ou la qui m'a dit le marhoum Boudiaf, où va l'Algérie? Ben voilà. Avant de finir, je rappelle juste Billy Lyoum, à Alger, ils ont arrêté des dizaines de personnes qui étaient venues pour faire la commémoration de la mort de Boudiaf. Certains Rahoul Alia, d'autres ils les ont arrêtés à Alger. On se demande pourquoi on a arrêté les gens comme ça. C'est bizarre, pourquoi on arrête les gens qui veulent juste poser des fleurs sur la tombe de l'ancien président qui est mort. Et je voulais signaler aussi une autre information qui est passée très, très vite dans les discussions tout à l'heure, c'est qu'il y a le fils du président Boudiaf, Nasser Boudiaf, qui est là. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui connaissent pas trop Google, vous tapez Nasser Boudiaf et vous allez trouver donc son fils qui a écrit des choses, qui défend la mémoire de son père, qui cherche toujours la vérité, qui réclame la vérité. Et c'est aussi quelqu'un qui lance un mouvement politique ou un parti politique. J'ai pas tous les détails de ça, mais c'est quelqu'un qui veut continuer, comme il le dit dans ses articles, il veut continuer le ce que son père, le marhoum Boudiaf, avait fait. Il avait lancé un parti, etc. Donc son fils continue ça. N'hésitez pas à aller chercher l'information. Voilà ce que je voulais dire. Encore merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, à tous ceux qui ont appelé, qu'ils soient fil Jazair ou la fil Kharij. Hna gaa Jazairien, on est le même peuple. On est peut-être différents, mais n'tahabou, et puis on aime notre pays, on lui veut que le khair. Et c'est bien de se retrouver. Merci encore une fois. C'était donc notre émission de ce soir qui finit là. Il est 23h à Paris, 22h à Alger. À très bientôt. Je vous laisse avec la musique sur Radio Chicha. Je vous passe juste une jolie chanson de Souad Massi que je dédicace à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et puis, n'hésitez pas à venir sur radiochicha.com pour écouter les émissions précédentes. Cette émission, elle va être sur le site radiochicha.com, section podcast. Et puis vous pouvez nous envoyer des messages si vous avez des remarques à nous faire. Salam alaikum, c'était Chicha pour Radio Chicha. شوية فهمنا لكم القضية وكرهنا هذه الوضعية بلكش واحد فيكم راه يخدم مشوية السي أحمد من يصبح يقولونا ولو العشية السي أحمد عنده اجتماع المصالح اجتماعية السي أحمد نصل عد القمر وإحنا حرنا في حفرة ضلوا تصبغوا الضمير شحال من واحد فينا راه حاصل وحيران كيفاش يدير عسي حمل على الكرسي تموت ويجي نهار وانت تحاسب انا سيرة كل شي يفوت عاد الدنيا بك تلعب عسي حمل الله يهديك سك من طريق داري صغار تحت الغرقة كي تروح المسيح عسي حمل تخاف من ربي وسك من طريق وهذه المرة الاخرى لي نفوق عليك إلى الراديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت.